Le mari confesseur. Messire Artus, sous le grand roi François, alla servir aux guerres d'Italie, tant qu'il se vit, après maints beaux exploits, fait chevalier en grande cérémonie. Son général lui chaussa l'éperon, dont il croyait que le plus haut baron ne lui dût plus contester le passage, si s'en revient tout fier en son village, ou ne surprit sa femme en oraison. Seul, il l'avait laissée à la maison, il la retrouve en bonne compagnie, dansant, sautant, menant joyeuse vie, et des muguets avec elle à foison. Messire Artus ne prit goût à l'affaire, et ruminant sur ce qu'il devait faire, « Depuis que j'ai mon village quitté, si j'étais cru, dit-il en dignité, de courcuage et de chevalerie, c'est moitié trop. Sachons la vérité. » Pour ce, s'avise, un jour de confrérie, de se vêtir en prêtre et confesser. Sa femme vint à ses pieds se placer, de prime abord, son par la bonne dame expédier tous les péchés menus, puis à leur tour, les gros étant venus, force lui fut qu'elle changeât de gamme. « Père, dit-elle, en mon lit sont reçus un gentilhomme, un chevalier, un prêtre. Si le mari ne se fût fait connaître, elle en allait enfiler beaucoup plus. Courte n'était pour elle la kyrielle. Son mari donc l'interrompt là-dessus, dont bien lui prit. « Ah, dit-il, infidèle, un prêtre même, à qui crois-tu parler ?»« À mon mari, dit la fausse femelle, qui d'un tel pas se sut bien démêlée. Je vous ai vu dans ce lieu vous couler, ce qui m'a fait douter du badinage. C'est un grand cas, étant homme si sage, vous n'ayez su l'énigme débrouiller. On vous a fait, dites-vous, chevalier, auparavant vous étiez gentilhomme. Vous êtes prêtre avec ces habits. » Béni soit Dieu, dit alors le bonhomme, je suis un sot de l'avoir si mal pris.